Lettre 42e, Evelina à Monsieur Villard. Holborn, 9 juin. Hier matin, nous fûmes invités à dîner et à passer la journée chez les Branton. Monsieur Dubois, qui fut aussi de la partie, vint nous prendre et nous accompagna à Snow Hill. Le jeune Branton nous reçut à la porte et m'annonça, comme une grande nouvelle, que ses sœurs n'étaient pas encore habillées. « Venez, miss, il faut les surprendre. Je parie que vous les trouverez devant le miroir. » Il voulut m'introduire chez elle, mais je la remerciai, et je préférai de rester avec Madame Duval. Monsieur Branton, père, se chargea peu après de nous y conduire lui-même. Il fallut le suivre, et se résoudre à grimper les escaliers. Mais il n'eut pas plus tôt ouvert la porte que ses filles poussèrent de hauts cris. L'aînée, surtout, fut très mécontente. « À quoi pensez-vous, papa, de nous amener du monde avant que nous soyons habillés ?» Monsieur Branton. « Et ils ont honte, paresseuse. » Voilà votre tante, la cousine et M. Dubois qui vous attendent. Où voulez-vous que je les laisse ? Miss Branton. Et qui leur a dit de venir si tôt ? Je croyais que Miss se conformait aux heures du grand monde, et je ne l'attendais pas encore. Miss Polly. Il n'y a qu'à les reconduire dans la boutique, nous ne sommes pas prêtes d'une demi-heure. M. Branton se mit fort en colère et fit un tapage horrible. Nous n'en fûmes pas moins obligés de redescendre et de prendre place dans la boutique. Le frère se divertit beaucoup de ce que nous avions attrapé ses sœurs. Il jugea à propos de m'entretenir longuement de leur paresse et des querelles qu'ils ont souvent ensemble. Les demoiselles Branton, ayant enfin achevé leur toilette, vinrent nous joindre. Elles eurent un démêlé assez désagréable avec leur père et elles répondirent très impertinemment aux reproches justement mérités qu'il leur faisait. Cette scène amusa beaucoup le frère, ce qui engagea une seconde querelle. « Et de quoi riez-vous, monsieur Tom ? Il vous sait bien de vous moquer de nous quand papa nous gronde. Qu'a-t-il besoin que vous passiez la moitié de la journée à la toilette ? Vous n'êtes jamais prête, vous autres. En tout cas, cela ne vous regarde point. Mêlez-vous de vos affaires et laissez-nous avoir soin des nôtres. Jeune drôle comme vous êtes. Savez-vous le temps qu'il faut à une femme pour finir sa toilette ? Jeune drôle, en effet. Vous seriez bien aise un jour d'être à mon âge, quand vous serez devenue vieille fille. » Ce dialogue amusant fut poussé jusqu'au moment où on servit le dîner. Nous remontâmes. Chemin faisant, Miss Polly me confia que sa sœur avait demandé la chambre de M. Smith, mais qu'il l'avait refusée, en prétextant que, dans une occasion pareille, on y avait répandu de la graisse, que cependant nous y prendrions le thé et que je devais m'attendre à voir un homme de bon ton mis avec élégance, qui fréquente les bals et les assemblées et tient un domestique en livrée. Nous fîmes un très mauvais repas. Des mets mal apprêtés, le service partagé entre une servante et les jeunes Branton, des querelles sans fin. Tout cela ne contribua pas à nous égayer et bien moins encore à faire ressortir l'air de prétention et de fête qu'on affectait d'attacher à ce régal. À l'issue du dîner, Miss Polly me proposa de descendre pour voir les passants. Le jeune Branton. Vous aimez furieusement à faire les badaudes. Ce n'est pas votre beauté pourtant qui devrait vous y engager, car des visages comme les vôtres feraient peur aux chevaux. Miss Polly. Il appartient bien à un magot comme vous de parler de beauté. Mais je vous conseille de ne pas prendre ces airs, sans quoi je dirai à Miss ce que vous savez. Le jeune Branton. Je m'en moque, dites-lui tout ce qu'il vous plaira. Je les priai de se tranquilliser puisque je ne prétendais pas savoir leur secret. Miss Polly. Ah, vous les saurez cependant. Pourquoi mon frère s'avise-t-il de faire l'impertinent l'autre soir ? Le jeune Branton. Halte-là, Polly. Si vous ne voulez qu'à mon tour je raconte votre dernière aventure avec M. Brown, nous serons bientôt quittes, je vous en avertis. » Miss Polly rougit, et pour détourner la conversation, elle me proposa une seconde fois de descendre dans la boutique en attendant que nous puissions entrer chez M. Smith. Miss Branton. « C'est ce que nous pouvons faire de mieux, cousine. Notre rue est un grand passage et vous verrez bien du beau monde. C'est notre amusement favori quand nous sommes parés. » Le jeune Branton. Elle ne ferait que cela toute la journée, si mon père les laissait faire. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose quand vous les voyez le matin en négligé sale et en bonnet de nuit. Alors elles restent nichées en haut dans leur chambre. Quelquefois je leur envoie le jeune Brown. Cela les déconcerte horriblement. Elles courent, elles se cachent, elles crient comme des folles. Pour achever ensuite la pièce, je me mets à rosser les chats. Cela fait un chorus, un vacarme de tous les diables. Ce beau récit donna lieu à une nouvelle dispute qui dura jusqu'à ce que nous fûmes convenus que nous descendrions tous dans la boutique. En passant devant la chambre de M. Smith, Miss Branton eut soin de dire assez haut pour être entendue qu'elle était surprise de ce qu'on tardait tant à nous ouvrir cet appartement. Ce fut autant de peine perdue, M. Smith fila sourde oreille et nous laissa continuer tranquillement notre chemin. Nous trouvâmes dans la boutique un jeune homme habillé de noir, appuyé contre le mur, les mains jointes et les yeux fixés contre terre. Toute son attitude annonçait un homme mélancolique, absorbé dans une profonde rêverie. Il se retira dès qu'il nous aperçut, et comme je vis que personne ne faisait attention à lui, je ne pus m'empêcher de m'informer qui il était. « Miss Branton, ce n'est qu'un pauvre poète écossais. Miss Polly, qui meurt de faim, je pense, car Dieu sait de quoi il vit. Le jeune Branton, de son savoir, apparemment. N'est-ce pas tout ce qu'il faut à un poète ? Miss Branton, surtout à un poète comme celui-là, fier et gueux. Le jeune Branton, mais avec tout cela, il faut bien qu'il vive et qu'il mange. D'ailleurs, il n'est pas écossais pour rien. Ces gens ne viennent ici que pour vivre à nos dépens. » La situation de cet étranger excita à la fois ma compassion et ma curiosité, et je témoignai quelque envie de savoir d'autres détails. J'appris alors qu'il demeurait dans la maison depuis 3 mois, que dans les premiers temps il s'était mis en pension chez les Branton, mais que bientôt après il s'était retiré de leur table. Depuis cette époque, ajouta Miss Polly, on ne lui a vu prendre aucune nourriture, et Dieu sait s'il a de quoi mettre sous la dent. Il a toujours eu un air abattu. Mais pendant l'espace d'un mois, il nous a paru plus endormi que jamais. Il a pris le deuil tout d'un coup, sans qu'on sache pour qui ni à quelle occasion. Nous croyons que c'est uniquement par goût, car personne ne se met en peine de lui, et nous doutons qu'il ait une famille. Ce qu'il y a de plus certain, c'est qu'il est en arrière de 3 semaines de loyer, et ses fonds doivent être très bas. Quelques pièces de verre que nous avons trouvées de temps en temps dans sa chambre nous font juger qu'il est poète, ou du moins qu'il a un coup de hache. Ils me montrèrent quelques fragments confus, écrits sur des feuilles volantes, sans ordre ni liaison. Ils portent tous l'empreinte d'une humeur mélancolique. J'ai distingué un morceau que je crois digne d'être conservé. J'en ai pris copie et je vous le transcris ici. Ô vie humaine, douloureux et pénible mélange singulier de tous les maux, de toutes les vicissitudes de la nature. Tantôt tu flattes les malheureux mortels des plus belles espérances, et tantôt tu les accables du poids cruel du désespoir. Ô homme, esclave de l'orgueil, tu ressembles à un enfant capricieux, qui, sans connaître ce qui lui est utile, ne trouve du plaisir que dans les choses qu'on lui refuse, et du dégoût que dans ce qui lui est accordé. Ô toi, dont la durée est si précaire et si courte, en butte au vice et à la folie, toujours tourmenté par l'indigence, la honte et les remords. Ô vie, à mesure que tu avances tes pas pénibles, tu sembles offrir à la jeunesse des couronnes et des fleurs, et tu réserves à la vieillesse des herbes venimeuses. Tu ne cesses de reproduire, sous des formes nouvelles, les maux les plus cruels. Ce morceau pathétique annonce un cœur en proie à la plus vive douleur. L'auteur m'intéresse. Il doit lui être arrivé de grands malheurs, mais je ne conçois pas comment il peut se résoudre à rester avec des personnes aussi insensibles et qui le méprisent, tant à cause de sa pauvreté que par préjugé national. Il faut qu'il ait de puissants motifs pour supporter leur dureté. Peut-être, hélas, est-ce la nécessité seule qui lui fait la loi. Je le plains sincèrement, et je voudrais être en état de lui donner quelques secours. Dans cet intervalle, le domestique de M. Smith vint avertir Miss Branton qu'elle pouvait disposer actuellement de la chambre de son maître, parce qu'il allait sortir. Ce message gracieux n'augmenta guère ma curiosité de faire la connaissance de M. Smith. Son offre fut cependant acceptée avec empressement par les demoiselles Branton, et elles m'invitèrent d'en profiter. Je les priai de souffrir que je laisse tenir compagnie à Madame Duval en attendant le goûter. Je retournai donc en haut, accompagné du jeune Branton qui me fit l'honneur de me présenter sa main, et je demeurai avec Madame Duval jusqu'à ce qu'on nous appelât pour prendre le thé. Alors nous descendîmes tous. Les demoiselles Branton étaient assises dans l'une des croisées, et M. Smith s'était appuyé nonchalamment contre celle qui était à l'autre extrémité de la chambre. Ils se levèrent tous dès que nous entrâmes, et M. Smith, pour montrer qu'il était le maître du logis, me conduisit fort obligeamment vers un fauteuil qui était placé au haut bout. Il ne fit attention à Madame Duval qu'après que je me fus levé pour lui céder mon siège. M. Smith se mit en peu de peine du reste de la compagnie, et s'attachant à moi seul, il entama la conversation dans un style galant, qui m'était également nouveau et désagréable. Il est vrai que Sir Clement Willoughby m'a assez accoutumé aux compliments et aux propos doucereux, mais son langage, quoique trop recherché, et du moins celui d'un homme comme il faut, et il y aurait de l'injustice à le mettre en comparaison avec les habitants de cette maison. Monsieur Smith veut paraître gai et spirituel, mais sa vivacité est maussade, et toutes ses manières me déplaisent au point que, si j'avais à choisir entre sa pétulance et la stupidité, je me déciderais pour celle-ci, fût elle-même aussi hébétée que Pope nous la dépeint. Monsieur Smith me fit mille excuses de ce qu'il avait refusé sa chambre pour le dîner, et il ajouta qu'il n'aurait assurément pas commis cette impolitesse s'il avait eu l'honneur de me voir plus tôt, qu'il se croirait trop heureux si, dans la suite, je voulais bien disposer de lui. Je lui répondis que tous les appartements de cette maison m'étaient également indifférents, et en cela j'accusais juste. « À vous dire vrai, madame, les demoiselles Brunton n'ont soin de rien, sans quoi ma chambre serait très fort à leur service. Je ne demande pas mieux que d'obliger le Bossex, c'est là mon fort, mais la dernière fois que je l'ai reçu chez moi, elles ont mis la chambre dans un état à faire peur. Or, quand on aime la propreté comme moi, vous sentez bien que cela ne fait pas plaisir. » Quant à vous, madame, ce n'est pas la même chose, et si je vous le proteste, dût-on ruiner tous mes meubles, je ne croirais pas avoir acheté trop cher. Le plaisir de vous être utile, trop heureux encore de ce que je possède une chambre qui soit digne de vous recevoir. Je ne vous citerai plus rien de notre conversation. Il suffira de vous dire que je fus obsédé pendant toute la soirée de cet ennuyant personnage. Il eut tout le temps d'excéder ma patience, malgré les efforts qu'il fit pour paraître à son avantage. « Adieu, mon cher monsieur. Je suppose que vous serez là d'entendre parler de ces gens-ci. Mais il faut bien que je vous entretienne d'eux, car je ne vois pas d'autre société. Heureux le moment où je pourrai les quitter et retourner à Berry Hill. »